Vous écoutez Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89.1 et pour ce dernier segment d'émission, nous retrouverons Camille Vellefebvre qui nous propose aujourd'hui une petite digression à la limite de la science pour faire le point sur l'utilisation du vélo et aussi du vélo, même en hiver. Bonjour Camille! Bonjour Valérie! Alors oui, aujourd'hui, je vais aborder les principaux résultats d'une étude pan-québécoise menée en 2015 sur l'utilisation du vélo ainsi que sur les tendances actuelles qui se dessinent en matière de vélo. Alors, tout d'abord, l'état du vélo au Québec en 2015, soit le titre de l'étude, a été commandé par la Fédération de plein air Vélo Québec. Les données inscrites à l'intérieur du document sont quand même très fiables et il est possible de les consulter gratuitement sur le site Internet de Vélo Québec sous l'onglet Expertise. Mm-hmm. Avant tout, j'aimerais souligner les 50 ans cette année de la Fédération Vélo Québec. 50 ans à faire la promotion de la pratique du vélo tant pour le loisir que pour le transport actif. On peut dire que beaucoup de chemins ont été parcourus depuis leur tout début. On leur doit entre autres la célèbre route verte, l'état du vélo au Québec depuis 1995 et l'amélioration de plusieurs normes en sécurité routière pour le vélo. Alors, bon anniversaire. Ben oui, bon anniversaire. Donc, depuis 20 ans, soit depuis les débuts de la collecte de données sur l'état du vélo au Québec, est-ce qu'on peut dire qu'il y a plus ou moins de cyclistes au Québec? En fait, ce n'est probablement pas une surprise pour personne, mais il y a beaucoup plus de cyclistes à ce jour qu'il y en avait il y a 20 ans. On comptait en 2015 4,2 millions d'usagers, soit 600 000 de plus qu'en 1995, donc une augmentation assez appréciable. On peut le constater lorsque nous nous promenons sur les pistes cyclables ou lorsque nous circulons sur les routes, les vélos font considérablement partie du paysage, surtout urbain. Probablement que même vous, à la maison, en pratiquez, puisqu'une personne sur deux au Québec en fait. D'ailleurs, un fait intéressant à noter est l'âge médian des cyclistes qui a aussi augmenté, passant de 36 à 42 ans. Oui, c'est intéressant ça comme données. Oui, tout à fait. Les conclusions qu'on peut en tirer, c'est que la pratique du vélo serait épargnée par la baisse du niveau d'activité physique qui accompagne habituellement le vieillissement de la population. Mais malgré la hausse de popularité, le vélo demeure le mal-aimé du réseau routier. Plusieurs diront que cette situation n'échappe pas à la ville de Québec. Oui. Ainsi, beaucoup de sensibilisation sur le partage de la route et sur la réduction de la vitesse est justement réalisée à cet égard. La vision de la place des cyclistes dans les villes est claire. Il faut faire leur place puisque, d'une part, ils aident à désengorger le réseau routier automobile ainsi qu'à diminuer la part de gaz à effet de serre, puis d'une autre part, ils aident à garder la population active. En fait, tel que mentionné par Vélo Québec, la majorité des Québécois et Québécoises résident dans une municipalité qui prend en compte le vélo dans ses politiques de transport. En 2015, 2 personnes sur 3 habitent une ville dont les politiques préconisent l'aménagement de nouvelles voies cyclables et la réduction de la pression automobile par des mesures de modération de la circulation. Une initiative de plus en plus courante sur le territoire québécois. Ça, on ne voyait pas ça il y a 20 ans. Non, exactement. Donc ça, c'est un énorme changement également. Ce sont près de 2 millions de Québécois qui utilisent à l'occasion ou régulièrement le vélo pour faire la navette maison-boulot, maison-école ou encore maison-amis, par exemple, ou pour tout autre déplacement utilitaire. Sur ces 2 millions de cyclistes utilitaires, plus de 600 000 sont des jeunes âgés entre 3 et 17 ans qui l'utilisent. Ça représente environ 2 jeunes sur 3. Mais je crois qu'il faut quand même rester prudent avec ces chiffres parce que j'ai pas l'impression qu'ils reflètent une pratique régulière quand même. On sait pas comment les questions ont été posées dans le questionnaire, mais je vois pas 2 jeunes sur 3 aller à l'école ou aller voir ses petits amis. Non, c'est donc, ça. Faut rester prudent exactement. Sinon, on verrait des dizaines de vélos stationnés devant les écoles. C'est pas vraiment le cas. Mais en tout cas, on note quand même une augmentation et notamment en hiver d'ailleurs. Et alors, est-ce qu'il est possible de déterminer la place de l'utilisation du vélo à des fins de transport en hiver, on est vu passer sur la rue là depuis le début de l'émission, ou est-ce que c'est encore une pratique trop marginale? C'est une excellente question. Vous en avez probablement entendu parler depuis les dernières années, mais la pratique du vélo n'est pas exclusivement réservée aux belles journées chaudes de l'été. Il est également possible d'en pratiquer lors des belles et aussi des moins belles journées d'hiver. Il est avancé que ce sont plus de 180 000 adultes québécois qui pratiquent le vélo hivernal au moins une fois durant l'hiver. En janvier et en février, il est estimé que ce sont 100 000 personnes qui vont s'aventurer derrière leur guidon, principalement à Montréal et à Québec. Toutefois, il n'est possible de connaître le nombre exact de cyclistes qui pédalent en hiver afin de se rendre au boulot. On peut ainsi affirmer qu'effectivement, l'utilisation du vélo à des fins de transport en hiver demeure marginale. Notons qu'il y a de plus en plus d'adeptes urbains de cette pratique et que des mesures sont entreprises afin de faciliter le transport à vélo, telles que le déneigement des pistes cyclables dans certains secteurs. Je tiens particulièrement à souligner l'émergence d'une activité de plus en plus populaire en hiver, soit l'utilisation du fat bike, soit un vélo aux pneus surdimensionné, conçu tout spécialement pour rouler sur la neige avec une bonne traction et de la facilité. Il a principalement fait son apparition depuis le début des années 2000 et c'est aussi auprès des amateurs de vélos de montagne qu'il a trouvé sa place. Depuis les dernières années, une explosion de cette pratique s'est fait ressentir. Oui. Plusieurs sentiers sont désormais accessibles au-delà de 960 km. De sentiers répartis sur 63 sites. Oui, donc vraiment une belle explosion. Et de plus en plus de boutiques, de parcs régionaux, de parcs urbains en proposent la location afin de s'y initier. D'ailleurs, une cinquième édition du Congrès international de vélo hivernal a eu lieu les 5, 6 et 7 février dernier, qui regroupait 8 pays et ça s'est déroulé justement à Montréal. Au-delà d'une centaine de conférenciers ont pris part au congrès, regroupant 300 participants, et les thèmes abordés étaient les infrastructures, l'éducation, la promotion et communication, les multiples visages du vélo hivernal, ainsi que les bénéfices, les impacts et les retombées de celui-ci. Leur constat, c'est que chaque ville hivernale est différente en matière de vélo, mais il est possible de s'inspirer des pratiques innovantes du voisin malgré cela. D'accord. On a l'impression aussi qu'une tendance s'installe en faveur du vélo depuis une vingtaine d'années, on en parle, mais quelle est la place, quelle est la place du vélo en général dans notre culture? Le vélo détient une place qu'on pourrait dire mitigée dans la culture québécoise. Par exemple, lorsque nous sommes jeunes, enlever nos petites roues arrière pour s'élancer comme un grand, c'est toute une étape dans notre vie. Mais comme vous l'avez mentionné plus tôt, on voit que quelques vélos devant les cours de récréation. De plus, selon de nombreuses études récentes, le vélo serait tout juste derrière la marche, comme la seconde activité physique la plus importante au Québec. Donc, ça demeure mitigé. Ouais, j'ai l'impression que le hockey fait plus partie de la culture québécoise que le vélo, parce qu'on n'est quand même pas en Belgique ou au Danemark, où là, on observe vraiment une culture du vélo. Mais j'aimerais quand même aussi qu'on parle de la route verte qui invite quand même au vélo dans les campagnes. Donc là, on n'est plus en hiver, on va. Mais c'est quand même une belle initiative, cette route verte. Oui, tout à fait. C'est plus de 5000 kilomètres au Québec. C'est une institution qui fait vraiment partie maintenant, on pourrait dire, même de notre patrimoine culturel ou même naturel dans la société. C'est un réseau tout à fait unique en Amérique qui a permis non seulement de démocratiser la pratique du vélo à travers les diverses régions du Québec, mais aussi de créer une attraction touristique internationale de qualité et de renommée vraiment exceptionnelle. Plusieurs sentiers, principalement de vélos de montagne, sont aussi en pleine expansion au Québec, soit plus de 2300 km de sentiers dans plus de 125 sites au Québec, pour être précis. Un ajout intéressant à faire, c'est l'accréditation Bienvenue aux cyclistes. J'ai vu ça parfois. Oui, c'est une belle initiative un peu partout au Québec, soit le long de la route verte principalement ou d'un itinéraire cyclable régional. On retrouve des établissements d'hébergement touristique ou encore des campings certifiés Bienvenue aux cyclistes. Cette certification est synonyme d'un accueil et de services adaptés aux besoins des cyclotouristes, tels que de l'outillage pour les réparations mineures, des renseignements sur les réseaux cyclables, un emplacement fermé et verrouillé pour les vélos ou encore des emplacements sans réservation nécessaire pour certains sites de camping lorsque l'on voyage exclusivement à vélo. En terminant, j'aimerais faire un clin d'œil aux entreprises québécoises. J'en ai dénombré cinq, dont De Vinci et Argon 18, par exemple, qui est le fournisseur officiel de l'équipe italienne sur le Tour de France dans le domaine cycliste. Plusieurs fabricants de vélos existent dans la province et cela, c'est une belle démonstration de l'enracinement de cette activité dans la culture québécoise et ce, même en hiver. Il n'y a aucun doute sur l'avenir du vélo. vélo qui est vraiment en bonne voie. Bien entendu, beaucoup d'enjeux doivent être surmontés en matière de partage de la route, de sensibilisation auprès de la population, d'aménagement et de pérennisation des sentiers. Justement, on peut le voir quand la route verte a été coupée de financement avec le ministère, il y a vraiment une grande levée pour... Et une grande préoccupation sur la pérennisation de la vitalité, si on veut, de ce sentier-là. Puis aussi, le vélo permet de faire la promotion du transport actif. Mais lorsque nous regardons tout le chemin parcouru depuis les 50 dernières années, je m'attends quand même que le résultat soit davantage important que pour les 50 prochaines années à venir en matière de vélo au Québec. On va plus progresser dans les 50 prochaines années qu'on l'a fait dans les 50 dernières années, autrement dit. Oui, je l'espère, oui. Mais on va peut-être pas attendre les 50 ans pour voir comment on va progresser. On va essayer de faire un point, un état du vélo un peu plus tôt quand même. On va pas attendre 50 ans pour faire cet autre point sur l'état du vélo. Oui. Ben, merci Camille. Mais merci beaucoup Valérie. Puis donc voilà une invitation à prendre le vélo tout en faisant attention quand même en hiver, mais à le prendre au moins quand les beaux jours vont arriver. Oui, puis probablement que si vous regardez un sentier de vélo de montagne ou encore pour le fat bike est accessible près de chez vous, alors pourquoi pas en faire en fin de semaine. C'est vrai, bonne idée. Ben, merci Camille. Merci.